Le gel d'Émile Ferharen, enregistré pour LibriVox.org. Le gel. Ce soir, un grand ciel clair, surnaturel, abstrait, froid d'étoiles, infiniment inaccessible à la prière humaine, un grand ciel clair paraît. Il fige en son miroir l'éternité visible. Le gel étreint cet infini d'argent et d'or. Le gel étreint les vents, la grève et le silence, et les plaines et les plaines. Le gel qui mord les lointains bleus où les astres pointent leurs lances. Silencieux, les bois, la mer et ce grand ciel, et sa lueur immobile et ardente, et rien qui remuera cet ordre essentiel et ce règne de neige acerbe et corrodante. Immutabilité totale, en sang du fer et des étaux serrés sans cœur morne et candide, et la crainte saisie d'un immortel hiver et d'un grand dieu soudain, glacial et splendide. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.